Unité 5, 1B. Qu'est-ce que tu lis ? Un portrait chinois. Écoute, à ton avis, de qui on parle ? Si j'étais une saison, je serais le printemps. J'en sais rien. C'est quelqu'un de connu ? Oui, très. Attends, je t'aide. Si j'étais une musique, je serais la techno. Tu as le choix entre ces trois-là, regarde. D'accord, alors... Déjà, ça peut pas être du Julien Binoche. Elle est trop classique. Et je crois qu'elle déteste la techno. Maintenant, entre les deux autres... Allez, je te donne un dernier indice. Si j'étais un vêtement, je serais un kilt ou un t-shirt rayé. Un t-shirt rayé ? Ah oui, ça y est, je vois. C'est Jean-Paul Gaultier, non ? Mais tu sais que Roger Federer peut lui aussi mettre des t-shirts rayés ? Elle est nulle, ta revue.